C'est pas l'ancienne école, ni la nouvelle école. C'est la vraie école du hip-hop pour faire bouger les corps. Viser le top, shooter les bords, redoubler d'efforts, soulever les populations, alors ouvrez les portes. Que tape l'instru, que je braque l'instru, que je crache des pures phases avec la vibe, bien sûr. Que je me lâche, que je me fâche quand l'état insulte les miens, cache que je me batte pour que mes gars s'insurent. Yo, je capte le truc, je peux pas fermer ma bouche, les laisser me pousser à bout et me faire piéger partout. Rester cerné à tour d'idées pressées partout, ces soucis pourris pour finir stresser ma boule. Non, je veux pas péter les plombs, jeter l'éponge. Je veux faire céder les comptes, placer mes bombes, régler mes comptes. Tout leur méfait les dénoncer sans faire d'exception. Pour que les seconds montent les échelons et que les premiers s'effondrent. Yeah, yeah. La flèche prod. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Nightmare. ODT mixtape. Yeah.